Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie sympathique. Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu'il épouserait aussi sa famille. Ce samedi, comme toutes les semaines, ils sont invités à dîner chez son beau-frère, Jean-Pierre, à Créteil. Mais ce soir, plus que d'habitude, Alain est à bloc. Il boue comme une cocotte prête à exploser. Il en a marre. Vous aimez ce genre d'ambiance familiale ? Lucien, viens ici ! Lucien ! Alors, dans la famille Martienne, laissez-moi vous présenter... Nathalie ! Le père. Oh ! Bonsoir. Lucien, tu m'entends ? Lucien, tu viens ici tout de suite ! La mère. Lucien ! C'est pas possible. Méchant, ce gosse. Le frère de la mère. Et dans cette petite famille, il y a aussi le petit copain de la deuxième sœur. Félicitations. Qui est un peu comme un beau-frère. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Non. Pas vraiment, en fait. Lui, c'est le grand-père du fils du père. Papa du papa. Vous suivez toujours. Parce que tout ce petit monde va dîner chez le frère de la mère. Oh, chier. Mais dont le père a un peu de mal à s'entendre avec la femme du frère. Vous n'avez pas pu te faire garder ? Bonsoir. Sans compter sur la deuxième sœur. Bon, bah Jean-Pierre, c'est ta sœur, elle s'est encore perdue, elle est à la station-service. Pas vrai. C'est lui, mon grand frère. Tu vas voir, il est super sympa. Mais comment tu fais pour te planter à chaque fois ? Tiens, prends le rond-point, tu tournes à gauche. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Et le fils du père qui a bien du mal à s'entendre avec la femme du frère de la mère. J'ai toujours dit, quand on épouse une femme, on épouse aussi sa famille. Mais rassurez-vous, toute cette petite famille est tellement proche. Tellement proche. Un film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Un DVD, Fox Pathé Europa.